Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais parler à quelqu'un, tu es combattu à cause de ton héritage. Je vais déclarer que cette année, le Seigneur va te restaurer, il va te faire entrer dans tes droits. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Tu es avec Jésus, il te couvre par son sang et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Réveille-toi ma sœur, réveille-toi mon frère, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier, nous sommes à notre temps de prière, OSB, opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens 9, 1 à 14. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. Cela, ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas les droits de manger et de boire? N'avons-nous pas les droits de mener avec nous une sœur qui soit notre femme comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses faces? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas les droits de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Il y a trois vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis de OSB. Voici la première vérité. Sachons que les serviteurs de Dieu ont aussi des droits. Souvent, les gens réclament, les pasteurs ne font pas ceci, les pasteurs ne visitent pas les membres, les pasteurs ne prient pas pour nous, les pasteurs ne prêchent pas. C'est vrai, ça ce sont ses devoirs. Mais nous devons reconnaître aussi les droits des hommes de Dieu, les droits de vos pasteurs. Ici, l'apôtre Paul nous fait remarquer trois droits. Premier droit, les hommes de Dieu ont le droit que nous reconnaissions leur ministère et que nous les honorions en tant que tels. Vous voyez, Paul dit ici, je suis apôtre. Ce n'est pas pour se vanter, parce que à Corinthe, il y a d'autres super apôtres qui voulaient maintenant dénigrer Paul, alors que c'est Paul qui a prêché l'évangile à la plupart des gens à Corinthe. Alors, donc, Paul est en train de dire au verset 1, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Il faut que vous reconnaissiez, lorsque quelqu'un vous a prêché l'évangile, quelqu'un vous encadre, vous lui devez quand même honneur. Reconnaissez ce qu'il fait, encouragez-le. Et il dit au verset 2, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Donc nous devons quand même reconnaître, encourager, reconnaître les ministères de ceux qui nous prêchent la parole, ce que Dieu a mis devant nous. Reconnaître leur ministère, les honorer. Deuxième droit des serviteurs de Dieu, ils ont des besoins qui doivent être satisfaits. Souvent, il y a des gens qui veulent seulement voir le pasteur pour qu'il prie, pour qu'il fasse ceci. Mais est-ce que vous savez que le pasteur aussi a des besoins? Est-ce que vous posez la question si le pasteur a payé sa maison et comment il le paye? Est-ce que vous posez la question si le pasteur a payé les frais de scolarité de ses enfants ou si ses enfants étudient dans une bonne école? Est-ce que vous vous rassurez si le pasteur a une assurance maladie, par exemple? Vous voyez? Donc, les pasteurs ont des besoins légitimes et nous devons aussi penser à eux, prier pour eux et chercher comment les soutenir. C'est ce que Paul veut faire remarquer ici. Il dit, par exemple, que les hommes de Dieu ont le droit de manger des bois. Vous voyez? Verset 4. N'avons-nous pas le droit de manger des bois? Ils ont aussi comme besoin ou droit de se marier lorsqu'il est célibataire. Il dit au verset 5, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres? Attention, ici, il ne parle pas de la débauche. Il ne dit pas que lorsque tu es pasteur à la tête d'une église, tu dois prendre les sœurs, commencer à sortir avec elles. Non, ici, il s'agit de marier. Il reconnaît le droit de se marier, pas de commettre l'impudicité. Il parle aussi ici du droit de travailler. Le pasteur a le droit de travailler. Donc, il y a ceux qui voient d'un mauvais œil que le pasteur, par exemple, ait un autre job pour nouer les deux bouts du mois ou bien pour se débrouiller. Paul dit, c'est un droit aussi. D'ailleurs, nous allons voir que ailleurs, Paul va travailler comme fabricant de tentes. Il dit au verset 6, « Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler ?» Donc, tout ceci pour montrer que le pasteur, l'homme de Dieu, a aussi des droits, a aussi des besoins qui doivent être satisfaits. Troisième vérité, les hommes de Dieu ont le droit d'être bénis à partir du ministère qu'ils font. Parce que il est dit ici, au verset 14, de même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est tout à fait normal qu'un pasteur, un apôtre, un docteur, un évangéliste qui est placé, qui fait un ministère correctement, c'est tout à fait normal que Dieu le bénisse à partir de ce ministère. C'est tout à fait normal que ses enfants spirituels, que ceux qui l'encadrent, puissent penser à lui pour le bénir. C'est ainsi que il y a des gens, par exemple, des membres qui disent, moi, je peux offrir à mon père spirituel, à mon pasteur un terrain, je peux lui offrir une maison, je peux lui offrir un voyage pour qu'il parte se reposer à l'extérieur. Je peux lui offrir tel bien, vous voyez. Donc, c'est normal. D'ailleurs, c'est pour cela que les gens donnent leur dîme. C'est parce que dans la pensée de Dieu, la dîme a été établie par Dieu comme salaire de ceux qui travaillent dans sa moisson, vous voyez. Et ici, pour comprendre ce principe, l'apôtre Paul donne trois arguments essentiels. Premier argument, il épuise dans le travail que nous faisons. Il parle du service militaire, de la vigne et de celui qui fait paître les troupeaux. Vous voyez, dans le job, de manière générale, ceux qui travaillent dans le job, ils ont un salaire. Il pose des questions. Verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Osez même dire aux militaires, voilà, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous n'avez pas touché votre salaire, mais ils font leur travail. Vous voyez, dans la plupart du pays, il y a des révoltes, il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, ce n'est pas normal. Un militaire doit être payé. Et il dit, qu'est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, il plante une vigne et vous lui dites, tu ne peux pas manger les fruits de la vigne. Non, ce n'est pas normal. Et il parle encore de celui qui fait paître les troupeaux. Il dit, qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Celui qui fait paître les troupeaux, c'est normal qu'il puisse se nourrir du lait. Ça, c'est la première argumentation. Deuxième argumentation, Paul tire de l'Écriture sainte, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent l'Ancien Testament est caduque. Attention, ce n'est pas tout ce qui est caduque. Il y a l'esprit de la parole, de ce qui se faisait, que nous devons garder. Paul, il dit au verset 9, « Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule les grains. » Donc, c'est un principe. Dans la loi de Moïse, Dieu lui-même a dit, tu ne dois pas amuseler le bœuf quand il foule les grains. Donc, Paul est en train de montrer que le Seigneur était en train de dire que celui qui est en train de prêcher l'évangile, celui qui est en train d'enseigner, c'est tout à fait normal. Il est comme le bœuf qui est en train de fouler les grains et tu ne peux pas amuseler celui-là. Tu ne peux pas l'amuseler. Il doit être béni, il doit recueillir les fruits du ministère. C'est normal. Et troisième argument, c'est un argument logique. Il dit au verset 11, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. » Vous voyez, l'homme de Dieu, il prie pour vous. Il vous enseigne la parole. Il y a beaucoup de gens qui sont bénis à partir d'une prédication, à partir d'un enseignement, à partir d'une prière, à partir d'une déclaration prophétique. Il y a beaucoup qui ont eu d'emploi. Il y a beaucoup qui ont eu des visas. Il y a beaucoup qui se sont mariés. Il y a beaucoup même qui ont vu leurs affaires prospérer. Ça s'appelle les biens spirituels. C'est-à-dire, tu es béni spirituellement d'abord et cette bénédiction spirituelle s'est répercutée dans ta vie socio-professionnelle. L'apôtre Paul dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Les biens temporels, c'est quoi? C'est l'argent, ce sont les biens matériels, c'est tout ce qu'on peut donner à l'homme de Dieu, vous voyez. Donc, c'est un argument logique. Quelqu'un a semé parmi vous pour que vous soyez bénis spirituellement à partir de son ministère. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que ce n'est pas anormal qu'il moissonne les biens temporels. Et c'est pourquoi il va tirer cette conclusion. Ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples et de même le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Que le Seigneur soit loué, nous allons le glorifier, chantons ces chants. Tout ce que je suis ne cesse d'éteindre. Gloire au Seigneur. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Bénis le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, 1 à 14. Nous encourageons tous ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp. Partagez avec des amis, partagez avec vos connaissances. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Prions pour les hommes de Dieu. Si vous avez un père spirituel, vous avez un pasteur, vous avez quelqu'un qui a été une bénédiction pour vous, priez le Seigneur, encouragez-les. Priez pour que réellement ils soient fortifiés dans la foi. Il y a certains qui connaissent des difficultés. Priez pour que Dieu les soutienne et qu'ils soient honorés. Prions le Seigneur. Nous te disons merci, Père éternel. Ce matin, nous glorifions, nous magnifions ton Saint-Nom parce que tu nous fais du bien, tu veilles sur nous, tu nous sécurises, tu nous conduis chaque jour dans le sentier de la justice. Nous avons l'opportunité ce matin, ô Père éternel, de prier pour les servantes et les serviteurs de Dieu, ceux qui ont été une bénédiction pour nous à un moment donné de notre vie et qui traversent des difficultés, qui ont des défis en ce moment. Nous demandons, ô Père éternel, que tu manifestes ta grâce dans leur vie. Souviens-toi de tous leurs investissements. Souviens-toi de tout ce qu'ils font chaque jour pour l'avancement de ton œuvre et viens à leur secours, délivre-les de grandes eaux, restaure-les et fortifie-les, que toute forme de découragement, toute forme d'abattement soit ôtée de leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions contre tout prédateur spirituel qui saisisse de telles opportunités pour s'attaquer davantage aux personnes fragiles, à tes servantes et tes serviteurs fragiles. Nous élevons nos prières et nous déclarons que leurs actes, leurs projets sont voués à l'échec. Lève-toi en leur faveur et délivre-les de leurs ennemis. Délivre-les des grandes eaux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu de toute consolation, toi qui es le Dieu de toute délivrance, toi qui es le Dieu de toute espérance, manifeste-toi dans leur vie et relève leur tête parce que tu es notre soutien, tu es notre secours et tu viens au secours de tes servantes et tes serviteurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour le besoin des pasteurs. Prions pour eux. Il y a ceux qui sont malades, il y a ceux dont les épouses ont des difficultés, il y a ceux dont des enfants ont aussi des problèmes, il y a ceux qui ont des problèmes de logement, il y a ceux qui ont des problèmes de voiture, il y a ceux qui ont plusieurs besoins. Prions pour eux, afin que Dieu puisse combler leurs besoins au nom de Jésus. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, parce que tu nous dis dans ta parole, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup de tes serviteurs qui ont répondu à l'appel de faire avancer ton œuvre, de prier, d'évangéliser. Mais malheureusement, Seigneur, ces serviteurs ont des difficultés au niveau de la santé, au niveau des foyers, au niveau de leurs enfants. Ils n'arrivent pas à décoller parce qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Dieu Tout-Puissant, pourtant ils ont répondu à ton appel. Ils veulent avancer. Ils veulent avancer, notre Dieu. Mais ils sont handicapés. Ils ne peuvent rien parce qu'il y a des choses qui les bloquent. Nous prions ce matin. Toi, le Dieu vivant. Toi, le Dieu véritable, tu nous dis également dans ta parole de te demander afin de recevoir pour que notre joie soit une joie parfaite. Ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas la joie du cœur dans ton œuvre. Nous prions que Seigneur, que leur joie soit véritablement parfaite en répondant à leurs cris, en exaucant leurs prières. C'est notre vœu ce matin, c'est notre désir ce matin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Oh, agis pour que la joie de tes serviteurs soit une joie véritable. À te servir dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité, le repos, l'assurance. Manifeste ta grâce et restaure leur vie Seigneur. Merci Père, au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons prier pour que les hommes de Dieu, ceux qui travaillent dans le ministère, soient bénis à partir de leur ministère. Que ceux qui bénéficient de leur ministère comprennent qu'ils doivent bénir les hommes de Dieu. Parce qu'ils ont semé les biens spirituels. Et c'est tout à fait normal qu'ils moissonnent les biens temporels. Parce que Dieu lui-même a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'exaltons car ta bonté dure à perpétuité. Ta fidélité pour nous est éternelle. Alléluia. Gloire à ton nom, louange à ton nom, puissance et autorité à ton nom. Des cris de joie et de délivrance remplissent l'attente des fidèles, de tes enfants. Ta main droite nous soutient et nous accorde la victoire. Tu es notre haute retraite. Avec toi, nous avons la joie de vivre en paix. Quelle grâce de t'appartenir. Tu nous as mis à part en tant que serviteurs, en tant que servantes, pour être des conducteurs spirituels, pour être des hommes et des femmes qui aident des hommes à te connaître, à t'adorer, à te louer. Merci pour l'œuvre à laquelle tu nous as confié. Merci pour ces dons, pour ces talents. Seigneur, nous sommes différents, mais nous travaillons avec le même esprit, le Saint-Esprit, et tu nous conduis. Et nous sommes ceux que tu as choisis pour amener la multitude à te connaître et à mieux te servir. En retour, Seigneur, que ceux-là, ces fidèles, soient reconnaissants et viennent bénir tes enfants, qu'ils les bénissent de toutes sortes de bénédictions. Merci de les toucher, ceux qui sont réticents, ceux qui négligent les serviteurs de Dieu. Touche-les, Seigneur. Convainc-les de venir investir dans nos vies, ici à la radio. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À la puissance, par son bras puissant.